à la vague, à l'océan. J'abandonne à la dune mon âme dans le vent, ma raison à la lune, aux écrits de mon rêve, à l'instant partagé, à la rive de tes lèvres, j'abandonne mes baisers. Dans sa course sauvage, aux falaises l'écume, mon destin aux nuages et mes songes à la brume, à la muse riveraine, à l'écueil, à son rocher, à ton âme de sirène, à mon cœur l'encre jetée. À mes songes dans les cieux, à ces flots des souvenances, en chanson à ce lieu, s'abandonne ma romance. Dans l'eau claire de notre histoire, où le vent a dessiné sur le sable illusoire nos deux corps abandonnés. Au récif de l'amour, mes désirs à la grève, j'abandonne à tes jours le souffle de mes rêves.